Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 12 février avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 12 février de l'année 1894, Raphaël, le jour où une bombe est lancée dans le café Terminus. Et une bombe qui va faire un mort et 17 blessés. Mais dites-moi, qui a lancé cette bombe et surtout pourquoi, Franck ? Alors, les anarchistes, on est à la toute fin de ce 19e siècle en France. Les anarchistes s'opposent à ce qu'on appelle l'affairisme, le fait que les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Tout ça déclenche donc une vague de violence sur le thème de la société pourrie. Toute une série d'attentats a lieu depuis 1892 et deux mois avant le café Terminus, c'était l'anarchiste Vaillant qui avait lancé une bombe au sein même de la Chambre des députés, avec si peu de dégâts que le président avait déclaré « Messieurs, la séance continue !» On imagine aujourd'hui ce que ça donnerait. Oui. Ce 12 février 1894, à 9h du soir, Émile Henry, un brillant jeune homme, il n'a que 21 ans, entre donc au café de l'hôtel de Terminus à la gare Saint-Lazare. Il avait pour objectif initial d'assassiner le président Carnot pour avoir refusé justement de gracier Vaillant. Carnot ne voulait pas gracier. Le nombre de policiers autour de l'Élysée l'a découragé et... Et donc, il se dirige vers ce café. Exactement. Alors, pas tout de suite, il est d'abord allé chez Bignon et au Café de la Paix. Mais il n'y avait pas assez de monde, dira-t-il plus tard. Vous imaginez ça ? Donc, il arrive devant le Terminus. Il sort de la poche de son pardessus, une bombe artisanale, allume la mèche, jette son cigare. Il sort et se retourne au dernier moment pour lancer son engin. C'est l'explosion, les miroirs, les boiseries, les tables sont brisées. 17 blessés donc, dont plusieurs graves, un mort, un certain monsieur Borde. J'imagine qu'Émile Henry est tout de suite arrêté. Oui, c'est un garçon de café qui s'est saisi de lui alors qu'il tentait de s'enfuir. Il sera jugé très vite, guillotiné le 21 mai suivant. Ce n'est pas le dernier attentat anarchiste, vous savez que bientôt on va même assassiner le président Carnot justement. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une traversée de la Manche à la recherche d'Isabelle de France, la reine mal mariée.